Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, le racisme anti-asiatique et son histoire aux États-Unis. C'est une vidéo postée par la chaîne britannique BBC. On y voit Li Wang retirer veste et cravate pour soulever sa chemise et montrer à l'assistance une large cicatrice qui lui barre le torse en interpellant « Est-ce assez patriotique pour vous ?» I'm going to show you what patriotism, the questions about patriotism looks like. This is sustained through my service in the US military. Now, is this patriot enough? Cette cicatrice lui a été infligée alors qu'il servait l'armée américaine. Il a aujourd'hui 69 ans, il est arrivé aux États-Unis à 18 ans, dans les années 60. La colère sourde de Li Wang ne l'empêche pas de continuer en évoquant la façon dont il a été battu dans une rue de Chicago quelques années plus tôt, sans que son agresseur n'ait jamais été condamné par la justice. Il cite la promesse d'égalité des citoyens proclamée par la Constitution, qui a largement construit le mythe d'une Amérique du Nord interraciale et fière de l'être, une intervention contre les manifestations de racisme anti-asiatique qui se sont multipliées outre-Atlantique, faisant déjà une dizaine de morts, majoritairement des femmes. Adrienne De Leon, professeur au collège de Dornsife de l'Université de Californie du Sud, signe un article dans la version anglophone de The Conversation pour déplorer que ce procès en loyauté des Asiatiques américains, largement attisé par Donald Trump, survive à la clôture du mandat de l'ancien président, mais plus encore, survive depuis la fin du 19e siècle. Le discours xénophobe des nativistes blancs qui se fait un slogan de la menace du péril jaune s'accompagne alors d'une politique d'État qui promulgue la loi d'exclusion des Chinois en 1882, la première loi aux États-Unis à interdire l'immigration sur la base d'une discrimination raciale. Un procès de civilisation construit autour de l'impureté prétendue des Philippins sous domination américaine qui agitait déjà l'épouvantail des maladies tropicales. Le racisme anti-asiatique s'est ensuite fait ressentir avec des intensités variables en fonction des intérêts géopolitiques du pays. En 1942, immédiatement après l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés après Pearl Harbor, Franklin Roosevelt décrète l'internement des ressortissants japonais ou des citoyens américains d'origine japonaise dont la loyauté est considérée comme suspecte. Mais en 1943, pour conforter ses relations avec la Chine en pleine guerre du Pacifique, le Congrès abroge la loi d'exclusion des Chinois et favorise l'immigration des citoyens chinois vers les États-Unis. À partir de ce moment-là, le racisme traditionnel cohabite avec le cliché tout aussi discriminant de l'asiatique citoyen modèle. Modèle surtout lorsqu'on ne l'entend pas et qu'il sert éventuellement à dégrader l'image d'autres immigrés. En 1965, le président Lyndon Johnson signe la très célèbre loi Hart-Celler qui conditionne dorénavant l'immigration toujours ouverte des Asiatiques et des Africains à un système de points fondé sur le mérite, alors qu'au même moment, il ferme les frontières aux Latino-Américains. Adrienne De Leon rappelle la fraternité des Asiatiques et des Africains américains dans les luttes pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, une proximité politique contre la haine qui profite toujours des crises pour reprendre des forces, sans parvenir à effacer l'indignation et les cicatrices de guerre de Li Wang. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.